Man. Un an et demi après sa création, plus que deux personnes siégeaient au comité de suivi. Le recrutement était difficile, selon une des représentantes, Joanne Bilodeau, et à la suite du décès du président, Guy Lemire, d'autres personnes ont démissionné. Les membres restants ont décidé de mettre fin à ses activités. Je suis convaincue qu'avec le temps, on aurait fini par avoir encore plus de gens, parce que vous savez, l'intérêt, là, est là. On veut être au courant de tout ce qui se passe au niveau de Cisco. On veut avoir les vraies réponses. Je ne pense pas, moi, que les gens soit indifférent à ce comité-là. Lors du passage du Bureau d'audience publique sur l'environnement à Malartic, plusieurs participants ont souligné l'importance d'un comité pour prévenir les conflits et développer une cohabitation harmonieuse dans la collectivité. Mais selon le porte-parole du comité de vigilance de Malartic, Jacques Saussier, la structure en place ne répondait pas aux recommandations du BAP. S'il n'y a pas de comité de suivi qui est mis en place de façon rigoureuse par la ville et la compagnie, il va avoir de l'insatisfaction, il va avoir encore de la mobilisation, de la pression politique de la part des citoyens du quartier sud, de la part du comité de vigilance, de la part du comité de locataires. Maintenant, c'est toujours action-réaction. Je pense qu'on est capable de se parler, il faut s'asseoir puis se parler. Jacques Saussier lance un appel à la ville de Malartic pour relancer le comité de suivi. Sandra Ataman, Radio-Canada, Malartic.